Chapitre 6e. Ce qui plaisait le plus à Florence, c'était une jolie promenade le matin. Ordinairement, elle en était privée, parce que ses parents avaient l'habitude de déjeuner de très bonne heure. Mais en entendant Mr. Thorpe prévenir ses hôtes que le déjeuner serait pour 10 heures très précises, elle se promit d'en profiter pour visiter le parc. En passant dans le vestibule, elle regarda la porte d'entrée et s'aperçut avec chagrin que ses petites mains ne pourraient jamais soulever les lourdes barres de fer qui la fermaient. En entrant dans sa jolie chambre, elle trouva une jeune fille envoyée par Mrs. Barnes pour la servir. Quoique peu habituée à tous ses soins, elle accepta cependant que la femme de chambre lui délassa sa robe, et pendant ce temps elle lui demanda si le parc était beau. « Oh oui, mademoiselle, » répondit la servante, « il n'y a que Temple qui soit plus beau, mais vous pourrez en juger demain, car dans le petit salon à l'est, il y a une grande porte en verre, d'où l'on voit tout le paysage. » Après s'être informée de l'emplacement du salon à l'est, Florence remercia la soubrette et s'endormit pour ne se réveiller qu'au premier rayon du jour. Elle n'avait point de montre. Mais jugeant à la paix qui régnait dans la maison que tout le monde dormait encore, elle s'habilla aussi vite que ses doigts glacés le lui permirent, descendit l'escalier et trouva sans difficulté le salon de l'est. Elle parvint non sans peine à ouvrir la porte de verre et fut éblouie du paysage qui s'offrit à ses yeux. Elle fit alors une ravissante promenade, tombant à chaque pas de surprise en surprise. Elle était au milieu des bois et voyait se dérouler devant elle un magnifique panorama, tandis que derrière elle, une colline s'élevait en amphithéâtre. Florence ne savait ni l'heure qu'il était, ni à quelle distance elle se trouvait du château, et cependant, elle se sentait heureuse et chantait, de sa douce voix, un air doux comme elle. Quand elle eut fini sa balade, et comme elle allait chercher son chemin pour rentrer, elle entendit tout à coup au-dessus de sa tête un grand fracas dans les branches, et une pluie de neige tomba sur elle et l'enveloppa comme un manteau. Elle se retourna vivement et poussa un cri perçant en apercevant Sir Charles Temple, qui descendait en courant la colline et sautait légèrement à terre, tenant dans sa main un fusil, ayant un carnier plein de canards sauvages sur le dos, des chiens à ses côtés et un habit de chasse bien différent de son élégante toilette de la veille. « Je vous demande 1000 fois pardon, Miss Heathcote, » dit-il, « non seulement de vous avoir causé tant de frayeur, mais aussi de vous avoir enseveli sous la neige. Je chassais de l'autre côté de la colline, quand des sons enchanteurs frappèrent mon oreille. Voulant savoir d'où ils venaient, je suis accouru de ce côté, mais j'ignorais que cette colline débouchait aussi brusquement à cette place. » En disant ces mots, il avait déposé son fusil à terre et s'apprêtait à secouer la neige qui couvrait le manteau de la jeune fille. Mais celle-ci, impermise de son étonnement, sourit en rougissant, le pria de ne pas s'occuper de son manteau et manifesta enfin le désir de rentrer. « Je crois en effet qu'il est l'heure de déjeuner, » répondit Sir Charles, « et cependant il est bien malheureux de ne pas franchir la distance si courte qui nous sépare à peine de la cataracte. Une cataracte, allons la voir. » « Je crois qu'il vaut mieux ne pas y aller, Miss Heathcote, » répondit le baronnet. Car il avait réfléchi que Mr. Thorpe ne pouvait souffrir l'inexactitude, il craignait qu'un retard fût défavorable à Florence. « Pourquoi ?» demanda la jeune fille avec douceur. « Parce que votre oncle aime l'exactitude et qu'il sera mécontent si vous rentrez trop tard. »« Alors partons, » murmura Florence en souriant avec résignation. « Mais c'est bien dommage. » Et comme elle disait ces mots, ils se mirent en marche. « Ne trouvez-vous pas que c'est bien méritoire à moi de vous rappeler cette terrible obligation, mademoiselle ?» « Méritoire. Oui, méritoire. Car je vous conseille ce qui est bien pour vous, mais pénible pour moi. »« Pénible pour vous. En quoi, sœur ?» répéta Florence avec surprise. « En ce que je préférais beaucoup me promener avec vous et vous faire voir la cascade au lieu d'aller déjeuner, » répondit-il en souriant. « Alors il est bien dommage que nous n'y soyons pas allés, car je le désirais beaucoup aussi. Je n'ai jamais vu de cascade. Cela doit être si beau. » La tentation était bien grande. Ils avaient tous deux le désir de retourner sur leurs pas. Mais Sir Charles continua à marcher vers le château. « Pour me récompenser de ma vertu, dit-il, promettez-moi que vous n'irez pas à la cascade sans moi. »« Je le désirerais beaucoup, » répondit-elle avec une charmante naïveté. « Mais j'avoue que si, pendant votre absence, j'ai l'occasion d'y aller, j'y courrai sans vous attendre. »« Eh bien, pour prévenir toute tricherie, » reprit-il en souriant, « que diriez-vous si je proposais cette promenade après déjeuner ? Ne seriez-vous pas trop fatigué de recommencer la course de ce matin ? Oh, je pense bien pouvoir la supporter. Alors, c'est un engagement que vous prenez ? Oui, sœur, si cela vous plaît. Et je le préfère à tout autre plaisir. Cependant, c'est à la condition que maman n'aura pas d'autre projet. Ne m'appelez pas sœur, Mrs. Coates, sans y ajouter Charles. Ce mot de sœur sonne si mal. Ceci fut dit avec tant de passion que l'on pouvait déjà deviner le dessous des cartes. Sir Charles savait que, sous son apparence rustique, Mr. Thorpe était toujours l'homme élégant et distingué d'autrefois, et que le mauvais genre lui déplaisait extrêmement. C'est pourquoi il cherchait à corriger chez Florence quelques petits défauts qu'il avait remarqués et qu'il craignait que Mr. Thorpe n'aperçût. Son désir le plus vif étant que Florence héritât de Combe, il faisait tous ses efforts pour perfectionner sa tenue. C'est pourquoi il venait de lui donner ce conseil, car une jeune fille qui dirait « Oui, sœur, non, sœur » serait classée aussitôt dans les castes inférieures de la société. Quoique Florence ne comprît pas l'intérêt qu'elle inspirait à Sir Temple, elle accepta ses conseils avec reconnaissance, et aussi, lorsqu'il lui demanda la permission de l'appeler Florence plus tard, quand il serait un peu plus lié. « Appelez-moi Florence, maintenant, si vous voulez, » répondit-elle. « On ne m'appelle jamais autrement. » La conversation ne languit pas, et le jeune homme, en arrivant à la maison, malheureusement en retard d'un quart d'heure, était convaincu qu'il n'y avait pas sur les bords de la Tamise, de l'Arnaud, du Rhône, du Rhin, du Tibre ou de tout autre fleuve, une créature aussi jolie, aussi spirituelle, aussi gaie, quoique aussi raisonnable, que Miss Florence Heathcote. En arrivant à la porte de la salle à manger, Sir Charles s'aperçut que le bord de la robe de sa compagne était orné d'une bordure de neige grise. Il se rappela immédiatement l'élégance cérémonieuse de Mr. Spencer et la propreté exemplaire de ses fils, les toilettes recherchées des Miss Wilkins et le regard moqueur de la veille. Aussi, en voyant les boucles défaites et la toilette fripée de sa belle amie, trembla-t-il à l'idée qu'elle pourrait entrer ainsi devant son juge. « Montez vite dans votre chambre, mon enfant, et allez vous nettoyer, » dit-il. « Vous n'êtes vraiment pas présentable. »« En effet, je suis fort sale, » dit-elle en souriant. « Je reviens dans l'instant, » reprit-elle, et en se sauvant, elle lui adressa un charmant sourire. En entrant dans la salle à manger, Sir Charles, avant de sonner le domestique pour lui remettre le gibier, le montra à son ami en lui disant « C'est un canard sauvage, Monsieur Thorpe. » « Alors je vous pardonne votre inexactitude. Voilà une place entre ma nièce aînée et mon plus jeune neveu. Avez-vous été longtemps dehors ce matin, Temple ? Le temps paraît superbe. » Quoique Sir Charles n'eût point l'idée de cacher sa rencontre avec Florence, il ne trouva pas le moment opportun pour en parler. Ce n'était pas à Miss Wilkins ni à Montagu Spencer qu'il désirait s'adresser, mais à Mrs. Heathcote, qui était en ce moment très occupée à manger des œufs à la coque. Mais, pendant qu'il cherchait le moyen d'entamer la conversation, la bonne dame s'écria « Je suis inquiète de Florence. Où peut-elle être allée ?»« Sophie Martin dit que son chapeau et son manteau ne sont pas dans sa chambre. Ordinairement, elle n'est jamais en retard. C'est l'enfant la plus exacte du monde, » continua-t-elle en s'adressant au maître de la maison qui était assis entre elle et Sophie Martin. Mr. Thorpe allait répondre quand Sir Charles, ne voulant pas perdre cette occasion, reprit vivement « Je puis vous donner des nouvelles de votre fille, égarée madame. J'ai eu le plaisir de la rencontrer et de rentrer avec elle. »« Eldruda, voulez-vous du jambon ?» dit Miss Elfreda en se penchant vers le plat pour dissimuler un sourire impertinent. « Merci, non, Elfreda, » répondit sa sœur en portant sa serviette à sa bouche pour cacher un rire nerveux en réponse à celui de Miss Wilkins. « Je vous disais bien, Algernon, qu'elle était allée se promener, » reprit Mrs. Heathcote. « Mais puisque vous êtes rentrés ensemble, Monsieur Temple, où est-elle allée ?» Sir Charles, ne voulant point parler de sa toilette inconvenante, répondit qu'il présumait qu'elle était allée ôter son chapeau. « Si j'avais pensé que ces demoiselles voulussent se promener, j'aurais fait balayer les allées du jardin. » reprit Mr. Thorpe. « Je crains que la belle Florence n'ait mouillé ses jolis petits pieds. » « Je ne crois pas, monsieur, » répondit le baronnet. « Reste !» Mais un sourire moqueur de Miss Elfreda l'arrêta, et il n'ajouta pas, comme il allait le faire, que Florence n'avait pas borné sa promenade à faire le tour du jardin et qu'elle avait été au bois. « Du reste quoi, Charles ?» reprit Mr. Thorpe. « J'allais dire qu'il serait malheureux que ces dames n'allassent qu'au jardin quand la promenade des bois est si belle. « Vous ne pensez pas, Sir Charles Temple, que les dames iraient se promener dans les bois par ce temps-là ? » s'écria Miss Elfreda en réprimant à peine un frisson. Alors elles perdront un superbe spectacle, répondit Sir Charles brusquement. Mais vous nous prenez donc pour des filles de campagne, reprit Miss Wilkins. Au moins peut-on y aller en voiture dans ces bois? Comme j'y vais toujours à pied, j'ignore si on peut y aller autrement. J'espère bien que si, car si pour sortir il fallait marcher à travers bois et recevoir la neige des arbres, mes sœurs et moi préférerions ne pas bouger, et ce serait bien triste. Il n'y a pas de neige, répondit Sir Charles d'un ton aussi glacé que la chose dont il parlait. Enfin, serait-il convenable, je vous prie, pour des filles de gentlemen qui ont des manières distinguées, d'aller sauter par-dessus des fossés et des haies comme des sauvages à travers leurs forêts? Il est inutile de demander mon avis là-dessus, répondit Sir Charles en se servant d'un excellent pâté de pigeon. Vous en offrirai-je, mademoiselle, reprit-il. Merci, j'ai déjeuné, répondit Miss Elfreda en poussant son assiette et tirant de sa poche ses gants de peau de Suède. En ce moment, la porte s'ouvrit et Florence parut. Elle alla vers le haut de la table et s'approchant de son oncle qui s'était tourné vers elle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, monsieur Thorpe, d'être aussi en retard. Mais j'ignorais l'heure, et vos bois sont si beaux que je ne pouvais me décider à les quitter. Les bois, grand Dieu ! Murmura Miss Elfreda. Les bois, merci, répéta Miss Eldruda. Les deux collégiens poussèrent aussi une exclamation. Tous les yeux se fixèrent sur Florence. Elle était vraiment charmante. Ses beaux cheveux bien lissés encadraient son gracieux visage, qui illuminait le bonheur et la gaieté, et sa simple robe de mérinos faisait ressortir avec agrément ses formes élégantes. Fâché contre vous, ma chère enfant, reprit Mr. Thorpe, en lui baisant la main, parce que vous admiriez mes vieilles forêts. Je ne me fâcherai, mon enfant, que si vous ne vous asseyez pas près de moi pour déjeuner. Voici Sophie Martin, qui va vous faire de la place entre nous deux. Mais avant que l'orpheline se fût levée, Mrs. Heathcote s'était serrée pour faire de la place à sa belle-fille, et Algernon s'élançait derrière sa sœur avec une chaise. Florence sourit à Algernon et donna un bon baiser à sa mère, qui lui disait de manière à ce que Mr. Thorpe entendît « Comment, Florence, vous qui déjeunez ordinairement à 8 heures, n'êtes-vous pas prête à 10 heures ?»« Je l'aurais été, maman, seulement j'étais si loin. »« Si loin ?» répondit la jeune fille en déployant sa serviette. « Puis-je vous demander où vous avez été, Miss Heathcote ?» demanda Miss Wilkins. « Je ne sais trop, » répondit Florence en riant. « C'était un bois magnifique, très épais, avec des éclaircies temps à autre et une vue superbe. » Il paraît que c'était très près d'une cascade. C'est Diane en personne, murmura Mr. Spencer, essayant de distraire Mr. Thorpe, qui regardait la jolie enfant avec admiration. Sophie Martin murmura avec embarras. Oh, Florence, prenez garde. Puis elle sembla chercher une contenance avec sa fourchette et sa cuillère. Vous n'avez pas été jusqu'à la fontaine de High Spring, mon enfant, demanda Mr. Thorpe à sa nièce. Était-ce à High Spring que nous étions, Sir Charles? S'écria Florence innocemment et en mangeant très vite pour se mettre au courant. Le jeune homme souffrait du tour que prenait la conversation et sentait combien cette dernière imprudence, surtout, allait attirer de méchanceté à sa jolie amie. Oui, c'était auprès de cette chute d'eau que je vous ai rencontré, Miss Heathcote, et je voulais demander à ces dames ce qu'elles penseraient d'une visite à cette curieuse cataracte. Je crois que ce serait une superbe promenade. Personne ne répondit. Miss Elfreda supputait les chances qu'elle avait pour que Sir Charles lui offrît le bras. Mais Eldruda attendait l'avis de sa sœur aînée, et Miss Winifred méditait sur le danger de défriser ses boucles et d'être aussi mal coiffée que cette affreuse Florence Heathcote. Et Madame Heathcote craignait d'user ses bottines neuves, et Miss Martin brûlait de les voir toutes partir pour rester en tête-à-tête avec son oncle. Voyant que personne ne répondait, Florence crut pouvoir accepter au nom de tout le monde et dit « Je suis sûre que toutes ces dames viendront. Je vous assure, Miss, que le temps est superbe. Il ne fait pas froid du tout. » « Vous avez cependant les mains bien rouges, » répondit Miss Eldruda, et elle ôta négligemment son gant, affectant ainsi de montrer une main blanche et maigre. Les doigts de Florence, quoique rougis par le froid, étaient d'une forme charmante et de beaucoup préférable aux grandes mains sèches, blanches et bien soignées de Miss Eldruda. Mais Sophie murmura doucement, « Oh, Florence, mettez donc des gants. »« Je n'ai pas froid du tout, » reprit Florence en souriant. « Au contraire. Mais on ne parle pas de la promenade. » Est-ce que personne ne veut sortir ? Grand Dieu ! Je ne pense pas que vous vouliez sortir encore ! S'écria Miss Wilkins. Quelle étrange jeune fille vous faites, ma chère ! Il serait vraiment malheureux que vous ayez des engelures aux mains, dit alors Mr. Thorpe. Les jeunes filles doivent avoir de jolies mains blanches. Oh, cela va passer, mon oncle. Je crois qu'il vaudrait mieux vous remettre votre excursion à demain, à l'heure de la chasse, reprit insolemment Miss Elfrida en regardant sa cousine avec son lorgnon. Jusqu'à demain, répéta Florence, qui n'avait pas compris à l'heure de la chasse. Demain c'est Noël, nous irons à la messe, et je ne pourrai sortir que dans 3 jours. Oh, allons-y aujourd'hui. Je suppose que les messieurs Spencer n'y mettront pas d'obstacle. Pour nous, veuillez nous excuser. Mes filles seront peut-être de trop, murmura Mr. Spencer. Cela se peut bien, répondit Miss Wilkins en souriant à l'élégant squire. Faites ce qui vous amusera, mes enfants, reprit Mr. Thorpe. Je vous préviens, messieurs, qu'il y a un billard. Où est-il? Demanda Bentinck. Qui nous y conduira? Reprit Montagu. Moi, mes amis, mais quand ma jolie petite nièce aura fini son déjeuner. Vous me promettez de ne pas avoir les mains rouges, Florence, car c'est trop laid. Voyez maintenant sa petite main, monsieur, dit Mrs. Heathcote, et elle montrait la main gauche de sa fille qu'elle avait réchauffée avec les siennes, tandis que Florence mangeait de la droite. Voyez, elle n'est plus rouge. La main de Florence aurait pu servir de modèle à Van Dyck. Elle était superbe de forme et de taille. Les 3 Miss Wilkins, qui avaient chacune par hasard un gant ôté, le remirent à la hâte et s'apprêtèrent à quitter la table. Si le major mourait, j'épouserais sa veuve, murmura Sir Charles à Miss Elfrida qui sourit, mais sans comprendre que le baronnet était heureux des soins de la grosse dame pour sa charmante amie. Réellement, je n'ai rien à dire, la main est parfaite. Quoi, vous avez déjà fini de déjeuner, mon enfant? Oui, monsieur, mais quoique j'étais le plus vite possible, je suis encore en retard, répondit la gracieuse jeune fille en souriant à son oncle.